Yes! Incroyable. On est champion du monde! Attention, t'es prêt? La France est championne du monde! Incroyable! Ouais! Bravo! Bravo la France! Vive la France! Champion du monde! Ouais! Champion du monde! Ça marche pas comme ça, les gars. On n'est pas champion encore. Comment ça, on n'est pas champion? Parce qu'en fait, on a battu les quarts. Il reste encore deux matchs, demi et la finale. Champion du monde. Non, parce qu'en fait, il y a plusieurs matchs dans la Coupe du monde. Ouais. Et c'est pas parce qu'on a gagné match qu'on est vainqueur. Donc, il nous reste encore deux matchs pour gagner. Oui. Donc, on a encore deux. Donc, on n'est pas champion du monde. Pas encore. Mais comment? Mais et maintenant, on est champion? Alors maintenant, toujours pas, parce que le match n'a pas encore commencé. Ah. Je suis triste. Ah. Moi, je crois. Mais quand est-ce qu'on sera champion, Quentin? Et bah, du coup, on sera champion si on arrive déjà en finale. Il faut déjà battre les demi-finales qui seront contre la Belgique. La Belgique? La Belgique. Mais on va perdre. On va pas être champion du monde cette année. C'est tellement triste. Ok, bon, générique. Ben ça y est, on est reparti. Bonsoir, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Glovok. Un épisode qui s'annonce exceptionnel. Je vais mettre un petit peu de musique quand même, bien pour sûr. Le plaisir. Nous sommes en direct de Russie. D'où exactement en Russie, je ne sais pas. Sochi, absolument. Nous sommes à Sochi, c'est confirmé. Stalingrad ce soir. Voilà. Glovok qui revient après une longue absence, hein, c'est vrai. On a pas été là pendant longtemps, pendant plusieurs mois. C'est parce qu'on était en train de préparer cette émission. Bien sûr. On a mis d'énormes moyens dans cette émission. Et ça va probablement. On est content de l'entendre en ce moment. Bah là, bien sûr. Oh. Oh. La France est championne du monde. Yes. Donc voilà, nous sommes en direct de Russie pour la Coupe du Monde 2018, FIFA 2018. Ça va être un moment exceptionnel. Alors je suis bien évidemment en compagnie de mes deux camarades, le camarade et professeur 10130. Bonsoir 10130. Bonsoir Delax. Ça va? Ça va et vous? Ça va très bien, je suis très content de reprendre enfin Glovok. Alors 10130 qui est quand même aussi un professionnel du foot, hein, on peut le dire, parce que c'est on a quand même une caution scientifique dans ce podcast. Évidemment, j'ai commencé, comme tu le sais, ma carrière de scientifique par du football. Tout a commencé avec le football. Bien sûr, c'est en jouant au foot que je me suis rendu compte que c'est au cours d'un match de foot en fait que j'ai rencontré le premier Glovok. Ah oui. C'était un moment exceptionnel. Il était accroché à la jambe d'un garçon. Je pensais à la base que c'était un protège-tibia. Et ben non, c'était un Glovok. Oh là là. Et là, la vocation. Incroyable. Je vais la vocation. Tous les protège-tibia pendant toute ma vie. C'est mon but. Le spécialiste en protège-tibia. Oh là là. Et nous sommes également avec Maître Quentin, bien entendu. Alors, Maître Quentin, est-ce que tu pourrais justifier ta présence ici? Parce que tu es toujours un peu sur la sellette. Mais comme vous le savez, bien sûr, je suis un expert en vulcanologie. Hein, c'est vrai. On reste sur les volcans, bien sûr. Et on s'est rendu compte, après de récentes fouilles, que les Gaulois pratiquaient déjà le football au fond des volcans, dans les cratères. Ah, d'accord. Bien sûr, monsieur. Et donc, Gaulois, volcan, football. On a retrouvé des ballons fossilisés dans la lave, etc. Donc, je m'y suis intéressé de près, Coupe du Monde. D'accord. Donc, magnifique. magnifique justification. Tu es maintenu donc pour cet épisode. Bravo. Merci. Tu n'es pas encore viré. Merci. Alors, le blanc est remplaçant quand même. Ok, une bonne ambiance. Ça commence. Mais il n'est pas titulaire. Non, il n'est pas titulaire. Il n'est toujours pas titulaire. C'est vrai qu'il n'a pas été titularisé. Pourquoi je suis pas titulaire? Pourquoi? Parce qu'il y a Tolisso à ta place. Il y a, pardon? Olivier Giroud. Ah! Giroud! Giroud. Bon, je vous rappelle un petit peu le principe de cette émission. Nous sommes donc des scientifiques, nous sommes à la recherche du Glovok, un animal mythique dont on a entendu parler dans de nombreuses religions et mythologies du monde entier. Cet animal qui existe dans tous les pays du monde, nous le pourchassons. Et là, en l'occurrence, comme c'est la Coupe du Monde et qu'il y a énormément de nationalités concentrées dans un seul et même endroit, il se trouve qu'il y a une grande masse de Glovok très différents les uns des autres. Et nous sommes venus donc les étudier ici, en Russie, à Sotchi. Ça va être une émission exceptionnelle. Alors, comme je vous l'ai dit, on a préparé des choses absolument folles ce soir. On va commencer avec un petit tour de table bilan de cette Coupe du Monde. Alors, à ce stade-là de l'enregistrement, je croyais encore que Glovok allait être une émission normale, que nous allions suivre un programme, parler de choses sérieuses, que Quentin aurait préparé un vrai dossier, que 10130 aurait peut-être des choses à dire et que moi-même, sans doute, j'allais pouvoir briller par mon intelligence et mon verbe si incisif. Il n'en est rien, cette émission fut un véritable chaos. Alors vous savez que Glovok est une émission parfois un peu improvisée, parfois elle sort du cadre que j'aurais bien voulu lui apporter. Et là en l'occurrence, le cadre que j'avais voulu apporter à cette émission a volé en éclats sous la joie de cette Coupe du Monde. Alors voilà, un épisode de Glovok assez improvisé. Le programme que je suis en train de dérouler en arrière-plan ne sert absolument à rien. On espère que vous allez apprécier cette émission, mais en revanche, si vous êtes là pour trouver du sérieux, des vraies infos, à mon avis, il faudra passer votre chemin. Mais en tout cas, si vous voulez rire avec nous, n'hésitez pas à écouter ce Glovok jusqu'au bout. Des bisous. Ok, alors, toi 10130, alors toi, je crois que tu n'as pas eu le temps de préparer trop de choses parce que tu vas soutenir ta thèse de footballistique d'ici pas longtemps, je crois, c'est ça ? C'est ça, donc je travaille énormément. Bon, je me suis quand même vaguement intéressé à cette édition de la Coupe du Monde. Parce Bien sûr. Effectivement, c'est toujours imprévisible quand il y a autant de Glovok au même endroit. Il peut se passer beaucoup de choses. Ouais. Certains se mordent, certains se mordent. Bien entendu. Certains deviennent potes à vie. Ils s'associent et créent de nouvelles races de Glovok. Donc, nous, on est là pour étudier D'accord. le début du commencement de la vie d'un Glovok universel. Ok. Oui. Et puis on va terminer, alors pour l'instant c'est pas une info sûre, mais en principe on connaît quelqu'un aussi sur place en ce moment en Russie. Je sais, elle est dans quelle ville actuellement cette personne, 10130, tu dois savoir, non ? Elle est à Saint-Pétersbourg. Elle est à Saint-Pétersbourg, alors une personne, une journaliste donc qui est en direct de Saint-Pétersbourg et qu'on va peut-être réussir à avoir au téléphone tout à l'heure pour une interview exclusive. Pour Glovok, personne n'a encore eu cette interview, nous serons les premiers. C'est une exclusivité mondiale pour Glovok. D'avoir un journaliste là-bas. Non, d'avoir sept journalistes en particulier, attention. Mais voilà, ça va être un moment exceptionnel, donc un Glovok, un épisode de Glovok plein de promesses. Est-ce qu'il y a d'autres... Oh là, attendez. Voilà, une dépêche vient à l'instant de tomber, qu'est-ce qui se passe ? On est champion du monde ! Tout le monde, on est champion ! Non, il vient non, apparemment de tomber une dépêche. Que se passe-t-il, Maître Quentin ? Est-ce que tu as bien plus sûr. D'informations ? Bien sûr, c'est une dépêche qui vient de tomber à l'instant. Ah. Est-ce que vous vous rappelez de Clovis Fernandez ? Clovis Fernandez, Clovis Fernandez, pas du tout. Et de Navarre. Non. Un super fan brésilien, je vous le montre en photo. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous vous souvenez ? On se souvient oui. de cet homme qui tenait la Coupe du Monde avec sa moustache et son chapeau bien de brésilien, sûr. Très émouvant, cet bien homme sûr. Déjà qui était très, il était très vieux sympathique. Il y a 4 ans. Ouais. Il était très sympathique, comme le prouve l'image, bien sûr. Je sais pas pourquoi je parle au passé d'ailleurs. Et il est mort. Il est sans doute très. Eh bien, sachez qu'il est mort. Ah. Il est décédé ah en là fait, là je là sais là. Pas exactement quand, mais il n'a pas pu participer à la Coupe du Monde en Russie. Ce qui fait que son fils a repris le flambeau, a repris le chapeau et la Coupe du Monde. Bon, bah voilà, c'est très bien. C'est aussi ça la Coupe du Monde. C'est aussi ça, c'est aussi c'est du, morts, c'est aussi de la mauvaise foi c'est et du. De larmes, c'est de la tristesse. Ok, c'est parti pour Glovok en direct de Sotchi. Allez. Bon du coup messieurs, j'aimerais qu'on commence par un petit bilan de la Coupe du Monde. Alors moi j'ai pas trop suivi, j'avoue. Je sais que 10130 et Quentin, vous avez un peu suivi quand même plus la Coupe du Monde que moi. Alors est-ce qu'on pourrait résumer un petit peu ce qui s'est passé ? Alors nous enregistrons ce podcast le samedi 7 juillet. Donc la France n'est pas encore championne du monde apparemment. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui reste en jeu actuellement? Là, on est en train de vivre les dernières minutes du match Russie-Croatie. Hein. On est à la 86e minute au moment où on enregistre cet épisode. Toujours un partout pour la Russie et la Croatie. Qu'est-ce qui s'est passé? On va peut-être avoir le résultat en direct. On va sans doute avoir le résultat en direct. Bah écoutez, hier déjà, on a eu des matchs incroyables. Puisque la France... Est-ce qu'il y a eu des grosses surprises pendant cette Coupe du Monde, messieurs? Bien sûr, alors, bien sûr. Bah déjà, bon, on va faire un petit bilan de ce qui se passe. On est en 2018, la Russie a réussi à corrompre suffisamment de gens pour avoir la Coupe du Monde chez elle. Il n'y a pas d'accusation aussi, hein. Apparemment c'est une vérité. Et elle a décidé... Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai pas compris. Que la Russie avait... payé les arbitres pour gagner la Coupe jamais, du Monde? Jamais, jamais. D'accord. Pas les Russes. C'est pas leur genre. c'est pas leur truc. Très bien. Et du coup, comme on est chez eux, ils ont décidé de garder tout ça pour eux, parce que personne ne bat la Russie en Russie. D'autres y se sont frottés, Monsieur Napoléon, Monsieur Hitler, qui ont pensé que c'était une bonne idée, bah c'est raté. Et bah, beaucoup de gens ont eu la même impression. Dès le début du tournoi, on a eu un 5-0 pour tester les Saoudi-Arabiens. Il me semble que c'est ça. Oui, les Saoudiens. Les Arabes. Les Arabes. N'est-ce pas? Oui, Marie. Et ce 5-0 là les a lancés sur une. Je perds. Il les a lancés sur une magnifique lancée pour toute cette coupe. Absolument, à domicile. Absolument. Ensuite, on a la France. Bien sûr, qui revient, la surprise de cette Coupe du Monde. Hein. Absolument, mais... qui revient sur plusieurs années de problèmes, hein, quand même. L'équipe de France, on ne respecte pas les arbitres, oui. On ne respecte pas les coachs, on traite les coachs d'enculés. Alors, ça a été démenti récemment. Non, tu parles d'Anelka, c'est ça? Ah non. Oui, ah non, si, ça c'était si, fils de pute, si. Ça, Anelka. On confond. On va te faire enculer. On va te faire enculer, c'est le fils de pute. Bref, la France est de retour, elle est plus propre. Il y a moins de coupes de cheveux chelous et plus de sérieux. Ouais. Donc, grande favorite. Donc, la France. Un espoir quand même. Absolument. On a ensuite la Belgique. Il est fort, t'as vu comme il enchaîne. La Belgique, beau pays, merveilleux voisin qu'on va affronter et sans doute défoncer dans quelques jours. Absolument. Pareil, personne ne les attendait là et ils ont fait quelque chose d'incroyable. Incroyable. Sur les Diables Rouges, incroyable. Les Diables Rouges. Hier, ils ont défoncé le Brésil. Et on termine avec L'Angleterre, les Anglais, inventeurs du football, passionnés jusqu'au bout, Manchester United, Arsenal, Leicester, etc. etc. Le foot, ils le vivent, ils sont dans tous les jours, c'est du foot, Chelsea, tout ça. Bref, les Anglais adorent le foot et avaient envie, pour une fois, de montrer au monde que c'est qu'il n'est pas trop. Voilà. Et, en l'occurrence, c'est celui du patron. Donc les Anglais arrivent pas très favoris, mais ont réussi à aller jusqu'en demi-finale aussi. Ils n'ont pas eu des grosses équipes aussi avant, faut dire. Absolument. C'est vrai. Et là, pareil, c'est un peu comme l'équipe de France, plus propre, plus sérieuse. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'on se dirige vers une Coupe du Monde, une finale merveilleuse. La guerre des 100 ans 2 entre la France et l'Angleterre. Et il faudra choisir son camp. Moi, j'ai choisi le mien. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir un petit peu. Je voulais demander les pronostics du coup de cette Coupe du Monde. Qui, selon toi, 10130, va remporter cette Coupe du Monde? L'Angleterre. Bien sûr. C'est une info sûre? Non, la France. Non, mais après, tu peux, hein, mais... Non, je suis partagé, franchement. Moi, je suis à la fois extrêmement fan... On est tous ensemble. Pardon. Les Anglais pour ce qu'ils sont en train de faire. Et de l'autre côté, je me dis... Emmanuel Macron a tellement de la chatte qu'il pourrait avoir une Coupe du Monde à poser sur son... L'effet Macron qui va faire remporter la France. Et je crois que Macron d'ailleurs a eu son mot à dire sur les coupes de cheveux des joueurs. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils sont aussi propres. C'est une vraie info ça? C'est une vraie info, bien sûr. Comment ça? Mais attends, l'équipe de France représente quand même la France en Russie. Ouais. Et Macron a quand même demandé à ce que les joueurs aient pas des coupes de folie et qu'ils restent professionnels, bien sûr. Ah mais bon président. Ok. Bref. Ah, oui. C'est vrai qu'on est d'abord une émission de service public. Emmanuel Macron qui attend donc la Coupe du Monde à poser sur son meuble Louis XIV à Versailles. T'as dit Louis XIV? Ouais. Non. Louis XIV. Ah. 14. Bon et toi maître Quentin, alors quel est ton pronostic pour la victoire de cette Coupe du Monde? Ah moi la France bien sûr. Toi tu penses que la France va gagner? Ah oui, moi j'ai pronostiqué 11-0 contre la Belgique. Déjà, moi je me dis, je prends pas trop de risques. Et ensuite, je pense qu'on va tomber contre la Russie, bien sûr. Ce qui serait incroyable. Et finale France-Russie, on va les démonter, bien sûr. Alors qu'on est dans le temps additionnel hein, de Russie-Croatie, 5 minutes de temps additionnel, toujours un partout. Excusez-moi, vous pouvez continuer. Donc bref, une Coupe du Monde européenne comme d'habitude. Hein. Bon, bien sûr. Bah, enfin, oui, évidemment. Comme d'habitude. Enfin, c'est surtout que le Brésil n'est plus là pour dire oui, les pays du Sud savent aussi faire du football. Mais bon. il paraîtrait, en parlant de Brésil, il paraîtrait que Neymar s'est fait mort par un Glovox, justement. Et qu'il aurait roulé sur 200 mètres. Alors, est-ce qu'on... Info sûre. C'est une info sûre. Je pense qu'on peut dire que c'est une info sûre. On a des sources, on a des journalistes sur place. Ouais, bien sûr. Mais alors, il y a eu des mèmes de Neymar, tout ça. Les gens se sont foutus de sa gueule. Mais c'est vrai que personne ne sait vraiment ce que c'est la douleur de se faire mordre par un Glovox brésilien. Parce que les Glovox brésiliens sont particulièrement agressifs. Oui. Ils sont juste moins agressifs que les Glovox uruguayens. Ouais. Donc on se rappelle hein, qui prend possession de, assez régulièrement de Luis Suarez et qui laisse la mort des gens. Qui parfois, voilà, c'est la capacité de ce Glovox qui va directement se brancher dans le système neuronal et qui, voilà, c'est n'importe quoi. Là, je mort. Bon, moi, j'ai pronostiqué déjà que le Portugal allait gagner. Ça, je l'ai dit. Ah bon? Non, mais pas avant hors Glovox. Vous vous souvenez que j'avais pronostiqué que le Portugal allait gagner. Je pensais vraiment que le Portugal. Ensuite, j'ai dit que c'était l'Uruguay. Non, mais t'as tellement de nez creux, mon garçon. J'ai l'œil de tigre. Et là, honnêtement, je pense que c'est la Russie qui va gagner. D'accord. Parce que quand même, ils sont chez eux. Et que l'effet Poutine, quoi. Parce que c'est quand même un bon président aussi. Effet Poutine, effet Macron. Voilà, effet Poutine contre effet Macron. En fait, c'est un petit peu la lutte de la dissidence contre l'Empire. Oui, finalement, le rêve de Soral va se dérouler maintenant. Absolument. Je pense que Marine sera en 1, je pense que Fillon sera en 2, je pense que Mélenchon sera en 3, et je pense que Macron sera en 4. Voilà, il avait déjà, lui, tout compris dès le début, heureusement, qu'il va pronostiquer aussi juste cette Coupe du Monde. Un aussi bon œil de tigre que toi. De et oui, c'est magnifique. On va peut-être passer à la suite, du coup, avec Quentin, qui va nous parler un petit peu de la guerre. Bien sûr. Donc, le football n'a pas toujours été aussi joyeux qu'aujourd'hui en Russie. Et j'aimerais parler justement d'un match en particulier. Oui. Un match historique, non pas pour son jeu, mais pour son contexte. D'accord. Par une journée froide, dans la ville morne d'Hambourg, s'est jouée la rencontre Hambourg-Altona 93. Les deux équipes s'affrontent. Hambourg-Altona 93. C'est le nom d'un 93. Club allemand. Altona, c'est quelle 93. Ville Altona 93. Ok, d'accord. Ouais, super. Les deux équipes s'affrontent. Hambourg remporte le match 4 à 2. Les joueurs s'endorment en ce soir du 29 avril 1945 sans imaginer une seule seconde que le lendemain, leur chancelier se tirerait une balle dans son bunker. Ces hommes ont joué le dernier match de football du Troisième Reich, messieurs. D'accord. Incroyable. Dans l'Allemagne nazie, le football était une marque, bien sûr, de fierté de la nation allemande, démontrant la vitesse et la précision de l'Aryen et une incroyable représentation de la force armée de la Wehrmacht. Ah oui, mais du coup... En effet. De quoi ? L'Allemagne. Ah bon, tu veux continuer ? Mais c'est vrai. Je vais en parler, justement. Ah, de la défaite de... Parce que ça a été un moment important. Et donc, l'Allemagne, l'Espagne, quand même. Bien sûr, des grosses équipes. Ouais, Franco-Hitler, l'alliance qui finalement... Terminée. En effet, l'entraîneur de l'équipe nationale d'Allemagne avait opté pour la stratégie de la défense offensive en pilonnant le plus possible la cage adverse. Et c'est vrai ce que je raconte. Hein. Stratégie qui a fait ses preuves lors de l'annexion de la Pologne. La défense étant vue comme, je cite, un peu trop anglais. Ce qui fait que voilà, Adolf Hitler avait demandé au sélectionneur de l'équipe d'Allemagne de supprimer la défense et de ne faire qu'attaquer tout le temps l'agression des buts. Continuellement. C'est marrant ça, tu vois, le chancelier qui va directement voir le sélectionnaire pour lui dire comment il faut faire pour gagner. Ça marchait comme ça à l'époque, oui, bien sûr. Mais ce qui est marrant, c'est que finalement Macron fait la même chose, mais pour la coupe de cheveux. Ouais. Plus dans la communication quand même. Et oui, on sent que les choses ont changé. Parce que stratège. Et je pense qu'avec l'histoire, ils se sont rendus compte que la défense était un peu important aussi. Voilà. Mais est-ce que cette stratégie a été payante, Maître Quentin ? Eh ben, on n'a pas de source sûre là-dessus. Ah. Simplement, bon, c'était une technique qui était particulièrement allemande. D'accord, un dossier de fond bien préparé, je sens. Parce que ça, il y a eu des compétitions où l'Allemagne s'est particulièrement illustrée, son équipe de foot. Non, tu d'accord. Le oui. football. Le football. Sport millénaire pour les amoureux du ballon rond. Mais attends, mais il y a un truc que je comprends pas. C'est Hambourg, Altona 93. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, Hitler ? Mais non, mais justement, c'est parce que c'est le dernier match de foot qui a été fait sous le troisième Reich. Donc c'est ma manière de rendre hommage. De rentrer de rentrer dans le sujet. Je trouve ça un peu, voilà, c'est poétique. Bon, tu parles de ce match qui a aucune importance. En plus, c'était un match amical. Bon, tu vois. D'accord. Et ça s'est terminé par 0-0, très très nul. Mais non, non, non, pas du tout. Il y a eu 4-2 pour Hambourg. Oh là. Alors, est-ce que tu peux nous faire le déroulé du match ? Comment ça se passe ? Bien sûr. Oh là là. Alors, un épisode où on a mis beaucoup de moyens. Heisenberg a mis le premier but à la 25e minute. Hein, il grêlait ce jour-là, mois d'avril, bien sûr. Juste avant de fabriquer ses bloomets. C'était, pardon ? Non, et ensuite, il y a Julius Waffen qui a été surpris par une bombe qui a explosé à côté du stade de. Non, d'Hambourg. Mais là, tu fais du roman, là, on n'y croit pas. Non, mais qu'est-ce que. Pardon, est-ce que, on t'a coupé peut-être dans le fil de ce que tu avais à dire. Oui, mais, oui, oui, j'ai juste une dernière petite partie, donc voilà, je voulais dire. D'accord, c'est la fin, on arrive à la fin. Mais après, il y a discussion, il y a débat. Ah, il y a voilà, des experts du bien football. Bien sûr, le sujet. Très bonne idée, hein, ce Global Foot. Donc le football. Seul moment de distraction pour le peuple du Troisième Reich, devenu une vitrine de l'armée et de la race aryenne. Hitler, lui, n'était pas un grand supporter et il n'aurait assisté qu'à un seul match, le match Allemagne-Norvège. C'était au JO de Berlin en 1936, se terminant par une terrible défaite 2-0 pour la Norvège. Les Aryens s'étant fait défoncer par les Vikings, pourtant si chers au cœur du Führer. C'est donc sous les bombes que le stade d'Hambourg vibre au cri des quelques supporters, une victoire historique sans que personne ne s'en doute. 73 ans plus tard, les terribles Aryens sont bien là, la Coupe du Monde gagnée il y a 4 ans, mais une fois encore, ils ne séduiront pas le cœur de la Place Rouge. Trop injustement jeté du territoire russe le 27 juin suite à une défaite 2-0 face à la Corée du Sud, survoltée, et pourtant ce jour-là, Hitler n'était pas en tribune. Putain, c'est voilà. Finalement, on a un journaliste sur le plateau ce soir. Hein. Bien sûr. Sportif. Mais alors, d'accord. Mais c'est vrai que bon, l'Allemagne sortie si rapidement, c'était l'Allemagne qui est arrivée dernière de son groupe, non, au tout début du truc. Moi, je saurais pas te dire. Je sais pas. Si c'est ça, hein, je crois qu'elle est arrivée dernière. L'Allemagne, elle s'est fait défoncer le cul. Ouais, ouais, mais déjà, ils ont perdu contre le Mexique. Ils ont perdu deux fois. Et ils ont fait un nul. Non, ils ont perdu contre le Mexique avant. Ils ont gagné un match contre la Suède. Mais c'est, en fait, ce qui est fou, c'est que l'Allemagne est touchée par la terrible malédiction du vainqueur d'une Coupe du Monde, ouais. Que la France a bien connue dans ses heures de gloire. 2002, sorti au premier tour. Ensuite, il y a eu 2006. Je crois que c'est non. Ah, mais on a gagné l'Euro en 2000. Hein. 2002, on s'en souvient. Oui, mais 2002 qui est finalement le Vichy des Français. Hein. Personne ne veut s'en rappeler. Bon, mais non, mais toute la France a gagné en 2002. Mais vous oubliez qu'on a gagné l'Euro de l'an 2000, les gars. Oui. Mais voilà, ouais. 98, ouais. 2000, on est encore bon. Oui. Et après, Desailly est parti et c'était la finale. Terminé. Non, mais ça a l'air de. Le mec balance des infos. Blessé le départ de Marcel Desailly. Je sais pas quand est-ce qu'il est parti. Mais oui, voilà. Là, comme ça, c'était. Quentin balance des infos comme ça, mais il ne sait pas. Et ben c'est le jeu avec un tel aplomb. Vraiment, c'est le jeu de ce soir. Le Glovok approximatif. Complètement approximatif. À la Zub, mais on est vraiment sur trois grands professionnels du football. Non, et puis là, en plus, notre interview avec la journaliste me semble légèrement compromis parce que j'ai toujours pas de réponse depuis 35 minutes. Ce Glovok est une catastrophe. Alors, bon. C'est peut-être compliqué en fait, il a l'ordre de parler de tous les Glovok en même temps. Ouais, non, c'est vrai. C'est tellement chargé. Non, mais c'est pas grave. On est en Russie. On va prendre du plaisir tous ensemble. C'est le but de ce Glovok. On va passer à un autre sujet. On est champion du monde là. On est champion. La France est championne du monde. Ça c'est finlandais, c'est pas russe, mais j'adore hein, cette chanson. Ah, c'est finlandais ça. Finlandais, ouais. Et en fait, dédicace au mec qui fait Epoy derrière. Bien sûr, je lui dis là. Alors en fait, je voulais qu'on revienne sur un épisode récent des coulisses de Glovok un petit peu. on va partir sur du gore sujet. Du coup, moi je me dis que là, ce Glovok étant déjà mal barré, autant aller dans le mur directement. J'ai envie de parler d'un événement tragique qui a eu lieu. Alors bon, là ce soir en l'occurrence, le il n'est pas là. Le vieux moustachu brésilien encore mort. Non, non, non, non, attention. Son fils est mort ce soir. Alors que... Bon, tout de suite, il paraît que le Brésilien est mort une deuxième fois. Non. Alors, en fait, je voulais parler de ce qui s'est passé à notre ce qui est arrivé à notre mascotte Kunta, parce que en fait, on devait faire un Glovoque normalement sur San Tomé et Principe à la base, un Glovoque qui a tardé à venir, et on voulait parler de ce qui s'est passé avec Kunta, notre mascotte que vous connaissez bien, qui n'est pas là ce soir. Parce qu'il est à San Tomé et Principe. Il est parti. Parce qu'il est resté. Il est resté là-bas. Et j'aimerais, 10130, que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec la mascotte. Comment, voilà, raconte-nous l'histoire depuis le début de ce qui s'est passé avec cette mascotte. Qui est Kunta déjà ? Présentons un petit peu Kunta. Alors, Kunta est un chien. D'accord. Ça commence. C'est un animal à quatre pattes. D'accord. Non mais on va pas faire tout dedans. Un mammifère. Stop. Alors d'accord, je pensais plus à ses particularités en tant que chien. La race, la couleur, bah, on veut tout savoir. Ah ouais ? Non mais pas la race, la couleur, mais plus que les gens se figurent un peu le chien. Le fait qu'il... Ouais, alors voilà, c'est un petit chien avec des poils longs, gris, fauve à manteau noir, hein, il faut dire normalement selon le vétérinaire. Mais surtout c'est un chien libre. Oui. Parce que le Glovok supporte le libéralisme. Bien sûr, parce que nous sommes avant tout les écologistes, hein, il faut le rappeler. Et la défense des animaux, libertaire. C'est important. Absolument. Et du coup, Glovok, Kunta est un chien libre, et donc c'est un chien qui n'a pas de laisse. Jamais. Jamais. On part sur une interview de assez, 1130. Assez rarement, en tout cas. Assez quand rarement. Il est extrêmement chiant, parce qu'il peut l'être. Mais oui, il n'a pas de laisse. Il n'a jamais de laisse. Parce que il me semble qu'on est arrivé à un moment de l'histoire humaine où les chiens doivent être de plus en plus libérés dans la ville, puisqu'ils se sont toujours adaptés. Quand on était des chasseurs, ils étaient des chiens de chasse. Quand on était des pêcheurs, c'était des chiens de pêche, des chiens d'éleveurs, etc., etc. Et je pense qu'un individu urbain, quelques mois, ne pouvait pas se permettre de forcer la nature du chien en le mettant en laisse. Systématiquement. Sauf que... Et là, le 30 avril, c'était le 30 avril, c'est ça que c'est arrivé, cette histoire. Le 30 avril dernier. Le 30 avril, le drame, le pire jour. La bonté a eu raison de Kunta, puisque un monsieur a eu la bonne idée de vouloir le sauver de sa liberté. Le chien, en panique, s'est barré, ce qui a déclenché la plus grande battue de tous les temps. Un moment incroyable. Raconte-nous comment tu as vécu, toi, cette battue incroyable. Bah moi, j'ai vécu... Bah en fait, on l'a vécu tous les trois ensemble, quoi, cette battue incroyable. Parce que du coup, Kunta a été perdu, et il était perdu dans la ville de Lyon, bon, où on était en résidence, le temps de repartir ailleurs, bien sûr. Et du coup, on a passé, alors ça a duré le premier jour, on avait encore un peu espoir, on tournait vers l'endroit où il a été perdu, on faisait des tours de vélo à cet endroit-là le soir, on était un petit peu désespérés, mais on y croyait. Et puis, les jours continuant, on avait des appels de différents endroits, de partout dans la ville. Il était à un moment à Pardieu, si vous connaissez un peu Lyon, ceux qui nous écoutent, il était à Pardieu, puis il était à l'autre bout de la ville, vers Gerland, vers Perrache, il a fait absolument tout le tour de la ville, et on avait des infos contradictoires, et tous les jours, on avait tous beaucoup de travail à ce moment-là, hein. Moi j'étais en train de finaliser des travaux, Quentin lui travaillait également de son côté sur tes volcans, et on avait beaucoup de travail, mais tous les jours on avait un appel, et là c'était branle-bas de combat, on s'y mettait tous, on prenait nos vélos, nos trois vélos, et on partait à la recherche de Kunta. On a même lancé un appel sur Twitter pour retrouver Kunta. On a essayé de mobiliser la communauté gauchiste lyonnaise en disant que Kunta était un chien de gauche et en mettant une photo de lui dans une manif CGT. Un beau moment, une belle tentative, hein, un petit buzz raté, quand même. Les gauchistes me servent. Raté, effectivement. Mais il s'est avéré que ce chien n'était pas si gauchiste que ça. Puisqu'on l'a retrouvé dans une caserne militaire. Voilà. Le traître à sa race. Il s'est trouvé que Kunta avait donc trouvé un endroit, un refuge, qui était la caserne militaire dans le 7e arrondissement de Lyon. Ouais, vers Jean Massé. Vers Jean Massé. Où il était nourri et logé par les militaires. Il volait la bouffe des chats et il s'était réfugié là. Voilà. Il a donc survécu pendant 5 ans. Pendant 5 jours, avant qu'on ne réussisse à le ramener à la maison. Depuis, il est au repos. Et oui, Kunta. Toujours vivant. Il est toujours là. Toujours la banane, toujours debout. Ah, quelle magnifique playlist pour ce Glovok. Voilà, mais une belle histoire, je pense. Mais oui, mais carrément. Moi, je peux. Enfin, ce Glovok est absolument sensationnel. C'est surtout de la musique. C'est et n'importe quoi. Bien sûr, là, on est vraiment sur un épisode totalement improvisé. La journaliste ne nous a toujours pas répondu. Il est 22h07. Est-ce que ça vous étonne réellement qu'elle n'ait pas répondu? Non, mais moi, ça m'étonne qu'elle n'ait pas répondu. Normalement, elle répond sur Telegram, non, Faye? Oui. Bon. Oui, bon bah. Elle est bien cette fille. Mais elle est pas. elle est pas dispo, du coup, tu sais pas, t'as pas d'infos. Bon. Non, bref. Non, on était censé. Discuter un peu plus tard dans la soirée, mais là. Trahison, quoi. Bah ouais, trahison. En plus, elle nous avait confirmé, elle nous avait dit qu'elle était partante, mais bon. Bon, c'est pas grave, on va voir, on va attendre encore un petit peu. Moi, ce que je vous propose. C'est les 10 anecdotes sur la Coupe du Monde de football. On va aller sur Topito. Allez, les fun facts, on est parti. Non, on va pas faire du fun fact. On n'en est pas là. Hein. Moi, j'ai envie de. Bah, on parle de foot, on parle de Coupe du Monde, on a un petit peu parlé de la France, 98, 2000, des choses incroyables. Mais moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de comment on a vécu cette finale de 98. Individuellement, quelles répercussions ça a eu sur nos vies aussi, quels souvenirs on en retient. 10130 peut-être pour commencer. Est-ce que t'étais où toi en 98? En 98 j'étais chez moi. T'étais et chez je me rappelle que j'avais une espèce de carnet, de petit carnet de collection là. Mm-hmm. C'était des espèces d'images de joueurs de foot qu'il fallait remplir. Les paninis, bien sûr. Ah ouais, bien mais sûr. C'était pas des paninis. C'était pas des paninis. Parce que j'étais pas en France. Bref. D'accord. Et ce qui était marrant, c'est qu'il fallait acheter des chewing-gums, avoir les petites étiquettes et les coller. À la fin, tu étais censé gagner, je sais plus quoi, un truc super important, ouais. Genre un ballon de foot. Ok. Un truc bien nul. Mais moi, j'étais fan de la Croatie. De la Croatie. En 98. Ah ouais. Ouais, d'un mec qui s'appelait Suker, je m'en rappelle très bien. Mais elle a fait quoi la Croatie en 98? Elle avait un beau maillot. Ah mais c'est le maillot à damier rouge là. Mais bien sûr, et moi j'étais à fond, c'était original, j'aimais bien. En plus ils jouaient pas trop mal, je pense qu'ils sont allés au moins jusqu'en quart, si je me rappelle, ou en demi. Ils ont joué contre la France, mais je me rappelle plus précisément. Mais honnêtement Zidane, non, tout le monde aimait bien. Oui. Mais moi j'étais pour, t'étais pour la Croatie. La Croatie ok. Parce qu'ils avaient un beau maillot. Voilà. Ça, voilà. C'était ma Coupe du Monde 98. Bon, maître Quentin, ta Coupe du Monde 98 à toi, comment tu l'as vécu? Mais ma Coupe du Monde 98, j'avais 8 ans. Non, j'avais 6 ans. J'avais 6 ans. Ouais. J'avais 6 ans et j'ai des souvenirs un peu vagues. Je comprenais pas trop, tu sais, à cet âge-là, tu sais pas si c'est vraiment ton pays qui gagne, qu'est-ce que ça va engendrer, tout ça. Mais t'as ton père, t'as ton oncle, t'as tout le monde qui est ivre mort et qui hurle, ah oui, devant cette télé cathodique. Ça hurle, c'est horrible. Et après, bien sûr, il y a eu des répercussions, il y a eu Footix qu'on a vu partout. C'est Footix. Vrai. Vous savez qui est Footix? Bien sûr, ce petit coq incroyable. Oui, bien sûr. Et on avait tous des t-shirts Footix, des c'est chaussettes vrai. Pour aller à l'école, c'était incroyable. Et comme on en parlait tout à l'heure de l'Axe, tous les enfants, je pense, européens, même français, après la Coupe du Monde de 98, surtout français, on va se mentir, ont été inscrits. D'anciennes colonies françaises. Mais non, justement. Ah si, quand même, parce que moi j'ai reçu les Footix. Non, mais pas les Footix. Mais tu ne sais pas ce qu'on va dire. On ne parle pas de Footix. Laisse parler les gens. Laisse incroyable. Non, mais j'ai pas la musique. Tous les enfants étaient inscrits après dans des clubs de foot, bien sûr. J'allais dire exactement la même chose. Ah, bah on s'est mal compris, problème de communication. Bah oui. Excuse-moi. Et je l'ai très mal vécu, c'est pour ça que je déteste le foot. Merde. Mais tout le monde l'a comment très ça, mal vécu. Comment ça, tu l'as ici. Mal vécu? Mais attends. Alors, j'ai vécu en Afrique quand j'étais gamin, oui. Pour être précis. Et les gens, la formation là-bas est beaucoup moins. moins fine en fait pour faire ouais. Rentrer les trucs dans les gens. Du coup quand tu faisais pas la bonne passe ou que tu marquais pas le bon but, tu te faisais tabasser à coups de crampon littéralement. Ah ouais, d'accord. Littéralement. Du coup j'ai trouvé ça un peu moyen. Donc j'ai vraiment très très mal vécu, mais effectivement après c'était. Mais tu t'as fait du foot? Mais j'ai fait du foot, j'ai fait du foot pendant au moins 5 ans quand j'étais là. Ah ouais. Mais oui. Mais je détestais ça. Mais t'as fait 5 ans du foot et tu détestais ça? Mais oui. Parce qu'en fait j'avais mon grand frère qui adorait ça. Ah. Et on a un an d'écart en fait avec ouais. Mon grand frère. Du coup quand on l'inscrit à un truc, on nous envoie tous les deux. Mais moi, j'étais. Non. Par défaut. non, ça ne t'intéressait pas. Ouais, ça ne m'intéressait pas. Mais bon, c'est marrant, quoi. C'est pour ça que cette Coupe du Monde est la première que je suis sérieusement, à peu près. Ouais. C'est finalement assez rigolo, en fait. C'est pas. Oh, alors, excusez-moi, breaking news, terrain, il vient quoi. De se passer quelque chose, apparemment. Un journaliste oh là, je oh crois que la Russie vient de gagner. Non, c'est pas une info sûre. Je crois que c'est la Croatie. Attends. Les Croates ont l'air très contents. Je pense que la Croatie, en direct, vient de remporter son match contre la Russie. Regardez les supporters. Incroyable. Incroyable. Vous avez vécu ça en direct sur Globoc. Non, je crois qu'il y a, il y a juste eu but, en fait. Attends. Ouais, non, mais là, on est dans le traditionnel. Hein. Incroyable. Ah, là, c'est but croate, temps et additionnel. Le nez creux de l'axe. Encore frappé. Incroyable. En direct. Vous avez vécu ce moment, le pronostic immédiatement contré par la réalité. C'est incroyable. Bah oui, je crois que c'est gagné hein, pour les Croates. Bon, voilà. Bon, moment qu'on a vécu donc tous ensemble. Allez, bon. Bah tu vois, moi je suis content. Mais voilà. Mais toi, mais tu voulais pas que ce soit la Russie ? Non, moi je m'en foutais un peu. Moi, à la fin, parce qu'ils vont devoir jouer contre l'Angleterre. À la fin, il faut que l'Angleterre batte. Ouais, à la fin, il faut que l'Angleterre gagne. Ouais, d'accord. Mais je suis content parce que. Ils ont un beau maillot. Oh là voilà. là. Ils ont finalement, un c'est maillot. Une pièce de revanche sur 98, peut-être. Absolument. Après tout, maintenant. Il y a plus Souker, mais il y a. C'est terrible le prochain match, du coup, parce que tu vas te retrouver entre Angleterre et Croatie, c'est-à-dire ton amour d'adulte et ton amour d'enfance. Bien sûr, ça va être tragique. Et t'imagines encore plus France-Angleterre en finale. Mon amour et mon amour de moi. Quoi. Ouais. L'amour du maillot contre l'amour de l'amour, si je puis dire. Absolument. N'est-ce pas ? Bien sûr. Mais bon, allez, les bleus. Delaxe, du coup, raconte-nous un peu ton expérience footballistique quand tu étais enfant. Mon expérience, en fait, il y a eu trois événements de mon enfance, d'actualité, qui ont marqué ma vie. Des événements médiatiques, c'était la Coupe du Monde 98. Bien sûr. Le 11 septembre 2001. Oui, où tout le monde a été aviateur après. Et le 21 avril 2002. Et ça a été vraiment les trois trucs, je pense, qui m'ont médiatiquement, qui m'ont déterminé. Et le foot en particulier, j'ai fait du foot aussi. Du coup, après 98, j'ai fait un an de foot et j'étais inutile sur le terrain et on me détestait. Bien sûr. Parce que c'était, tu vois, moi j'étais dans l'équipe. On vient de la de la banlieue de Clermont-Ferrand, un petit peu la banlieue. Faut imaginer une banlieue qui n'est pas urbaine. Hein. C'est une banlieue, les champs, la banlieue rurale de Clermont-Ferrand. Et du coup, là-bas, les footix, ils étaient présents, quoi, dès le début. Bien sûr. Ils étaient là, ils aimaient le foot. Et puis, toi, quand t'arrives et que t'es un petit peu un connard et que t'as juste aimé la Coupe du Monde, que t'as trouvé ça stylé, que t'as regardé la télé, t'étais content, et tu te retrouves un petit peu comme un connard. Et du coup, je ne faisais rien sur le terrain. Je marchais, je regardais ailleurs. Du coup, on me mettait dans les buts pour essayer d'éviter les dégâts. Mais malheureusement, pareil. Je n'étais pas concentré, donc effectivement, quelques petits problèmes, un petit traumatisme par rapport à ça. Et ça m'a fait détester le football pendant très longtemps, du coup, cette expérience. Mais tu sais que moi, j'ai déçu quelqu'un énormément. Ah. Parce que. Tes parents ? Mon père. Mon père, parce que mon père a toujours fait du football quand il était adolescent, enfant, etc. Et je me souviens qu'il m'avait du coup inscrit au club de Saint-Bonnet-Pré-Rion, qui est vers Clermont-Ferrand, ouais. Un petit club rural. Et... N'hésite pas à pleurer. Non, mais simplement, je me souviens que. À Noël, il m'avait acheté les mêmes chaussures que Zinedine Zidane, des Adidas rouges et noirs. Je pense que très bien. C'est fait avoir. Et finalement, il a été extrêmement déçu de voir que je m'intéressais plus au trèfle à quatre feuilles que au ballon lui-même, en fait, sur le terrain. J'étais défenseur et j'étais une. Je pense que les matchs auraient été gagnés si je n'avais pas été là, sur le terrain. Et j'ai vu mon père, j'ai vu son regard sur les côtés de ce stade et je l'ai vu un moment repartir, la tête dans les mains et. Ah ouais, c'est aussi ça le football, hein, beaucoup d'émotions. Ouais, c'est beaucoup d'émotions quand même. Hein. Beaucoup d'émotions. Mais moi, par rapport aux événements footballistiques qui m'ont marqué, c'était pas la France 98 du coup, donc ça m'a marqué plus ou moins. Oui. Mais c'était surtout la qualification du Togo en 2006. 1921 pour la première fois. Et c'était un moment fantastique. Fantastique, c'était incroyable parce que justement c'était nous notre parce que le Togo bon tout le monde ça va les couilles oui. Donc les Togolais ils s'en battaient pas les couilles et vous êtes allé en huitième on s'est qualifié pour aller en Coupe du Monde d'accord c'est ça qui est fou c'est que c'était pas tant le fait de gagner la Coupe du Monde qui était important pour un pays comme celui-là mais plus le simple fait de pouvoir y aller en plus on a gagné j'allais dire on a joué contre la France en 2006, on s'est fait défoncer. Bien sûr. Et évidemment, on sait que ce match, a été truqué. On a vendu le match. Non, mais c'est intéressant. À la France. Non. Tu accuses. Moi, j'attends des preuves. Tu sais que ce Glovox, c'est le Glovox. Le de Glovox, on sait. Évidemment, on sait que vous avez triché. D'accord. En ce moment-là, je suis togolais. Là, tout de suite, tu es togolais. Là, tout de suite, togolais. Plus de mystère. Et de quelle couleur étaient les maillots togolais? Parce que ça m'intéresse. On devine. Ah. Je dirais qu'ils étaient jaune et noir. Moi, non, vert. Ou vert. Il y a du vert. Ah, pas loin. En fait, c'était jaune et vert. Jaune et vert. Comme le Brésil. Jaune en haut, vert en bas. Oui, comme le Brésil, mais un peu plus roots, un peu plus agricole. C'était des chandails. Des chandails d'entraînement. Non, mais en plus, c'est marrant, les équipementiers, tout ça. Moi, ça m'amuse toujours. Mais on avait l'équipementier Puma, on était trop fiers. Pendant longtemps, on avait eu Kappa. Que personne. Kappa. Mais si, c'est le truc avec les deux meufs. Ouais, c'est ça. Après, on a eu Pouman, on était trop contents pour la Coupe du Monde. On était assez contents. Nous, on avait le coq sportif. Ouais. Non, on avait Adidas et Nike maintenant. Nike maintenant. Incroyable. Ouais. C'est toujours marrant. Mais j'ai vu un monsieur la dernière fois qui courait, visiblement. Il était en retard pour son entraînement de rugby. D'accord. Attention. Ouais. Qui jouait pour le Loup. Oh. Et qui portait, du coup, l'équipementier du Loup, je l'ignorais, c'est le fameux Macron. Comment ça, le fameux Macron? Tu connais pas l'équipementier Macron? Ils sont trop drôles. Non, il s'appelle Macron. Non, ah, pas. Comme notre président. Ah, d'accord. Énorme. J'avais pas fait le lien tout de suite. Ça m'a fait rire. D'accord. Peu de choses, beaucoup de choses me font. Mais effectivement. Je ris facilement. On vit les. Je suis un garçon très. On vit les 10 dernières secondes du match Russie-Croatie. Ça y est, le temps additionnel vient d'être terminé. Je crois qu'on va vraiment vivre la victoire de la Croatie en direct. Mais il y a combien? Il y a 2-1? Il y a 2-1. Le public va se lever. Vraiment un Glovox incroyable. Mais bien sûr. Il est allé. Il y a tellement de choses. Oui, en fait, c'est le meilleur Glovox. Le meilleur Glovox. Mais ça y est, non? Ah non, il y a un Non, il y a une douleur. Il y a une douleur du côté croate. Là, je suis désolé, je peux pas bouger trop mon ordi. Le gardien décédé. Allez, on dirait. Aïe. Alors que. Emmanuel Desailly rentre sur le terrain. Non, Zinedine. Pas là, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe. Et là, on a dépassé le temps additionnel. Normalement, c'est fini là. Mais il y a toujours un temps additionnel au temps additionnel. Ça ne finit jamais. Ouais, ça ne s'arrête jamais. Ouais, ils vont siffler là. On va vivre ça en direct sur Glovox. C'est terminé. Mais non, c'est terminé. Champion du monde. On est champion du monde. Bravo! Oui. Mais pas du tout, c'est pas terminé. Ah. Non, il reste encore quelques secondes, ma foi. Le match peut virer. Bon, je me suis fait avoir. Calmons-nous. Mais si, mais regarde, Russie, on est champion du monde. Qui sort quand même avec un très beau parcours. T'as la Russie qui sort, ouais, c'est fini pour la Russie alors. Bon, je pense que vu la proximité, Russie, Croatie, tout ça, les Russes vont se tourner vers les damiers. Ça va être merveilleux. Vers les damiers, comment ça? Non, je pense qu'ils vont annexer la Croatie déjà. Ouais. Par colère. Petite blitzkrieg. Mais du coup, on n'a pas parlé finalement du coup de boule de Zidane non plus. Ah, moment merveilleux, moment fantastique, moment formidable. On avait pensé à en parler un petit peu, évidemment. Mais alors, parce qu'il y a des théories. Alors, c'est quoi la théorie maintenant communément admise sur la mort de Zidane? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la théorie? Du coup, je me suis un peu renseigné. Non, c'est sa sœur et sa mère, non? Alors, il faut savoir le contexte. C'est que Zinedine Zidane, quand il est arrivé en finale, le jour même de la finale, sa mère est rentrée aux urgences, en fait. Elle a eu un problème de santé, donc déjà, le moral de Zizou était pas top. Et en fait, Materazzi aurait fait une réflexion, l'aurait insulté sur sa mère ou je sais pas quoi. Donc, action, réaction, coup de boule, bien sûr. C'est ce qui se dit. D'accord. Parce que voilà, il y a aussi la théorie de l'insulte raciste. Mais alors, c'était pas direct. C'était apparemment l'insulte, c'était vraiment terroriste. C'était pas sale arabe. C'était pas sale arabe, c'était terroriste. Enfin, c'était pas formulé comme ça. Il l'a pas traité de terroriste, mais il y a eu un truc. La famille de terroristes. Il y avait effectivement un truc avec la famille et tout. Ah, toi plusieurs, et ta famille de terroristes. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Ça méritait un coup de boule. Ah bah, ça méritait clairement un coup de boule. Est-ce qu'il avait raison de mettre un coup de boule? Oui. Bien sûr. On a un oui, on a deux oui, on a trois oui. Oui. C'est l'unanimité. Et pourtant, à l'époque, c'était pas le cas. Hein. Les gens étaient pas contents du tout en 2006. La violence, tu nous as fait perdre la finale. Allez jouer, vous. Et bah, vous a qu'à faire la même chose au lieu de critiquer mais tout oui, le temps. Non, mais c'est trop chiant ça. C'est bon quoi, le mec il est sous pression et tout. Tu nous as fait perdre la finale, t'aurais pas dû mettre un coup de boule. Oui, si, moi je mets un coup de boule. Moi je suis tout pro-violence. Ok, toi et ta famille de terroristes donc. Surtout que je suis pas vraiment d'accord. Moi je pense pas que ce soit à cause de lui qu'on ait perdu la finale. Parce que ça c'était les tirs au but, après du coup c'était les pénaltys. Oui, non mais. Ça se trouve, Zinedine Zidane aurait très bien pu rater un but aussi. Ouais, est-ce qu'il l'a pas fait volontairement? Est-ce qu'il a pas voulu tomber la France au dernier moment? Non, bien sûr. Mais c'est con. Une espèce de révolte comme ça où il met un coup de boule à l'ennemi, où il envoie tout chier cet homme qui était quand même quelqu'un qui était réputé pour être calme, jamais engagé, toujours jamais subversif, pas faire de vagues. C'était sa marionnette dans les guignols. Hein, c'était toujours, il avait jamais d'avis, il disait rien. Et là, d'un coup, il dit quelque chose et il envoie tout chier, si tu veux, il se fait une révolution comme ça. Moi je pense pas que c'était contre l'équipe de France en particulier, c'était juste la pression et... Bah, d'autant plus qu'il est, pas, il est calme en interview, mais oui. Tu vois un match de Zidane, il a quand même raté un match en 98 parce qu'il a pris un rouge ou deux jaunes ou un truc comme ça. Ah ouais. Je crois que c'était carrément un rouge en fait, mais je m'en rappelle pas, mais il est relativement physique quoi. Bah, il a joué à la Juventus... Il a eu une formation très italienne, marseillaise, etc. Donc c'est pas non plus un gentil toutou. Zizou. Toutou Zizou. Bon, toujours pas de réponse de notre journaliste sur place. On peut pas l'appeler directement. Non, mais ça va être compliqué. Hein. Je pense qu'on l'aura pas ce soir. Et si tu essaies de la contacter par vidéo sur le truc là? On l'aura pour la finale. On l'aura pour la finale. On refera un Glovox. Je l'appelle. Ah. Ah, vous entendez la sonnerie actuellement? On dirait Julien Courbet qui appelle un oui, allô, votre voisin n'est pas content. Ah non, ça ne répond pas, c'est terrible. Ça ne répond pas du côté russe. C'est terrible ce qui se passe. Hein. Je suggère qu'elle est occupée parce qu'elle a autre chose à faire en Russie en tant que journaliste que de parler. Mais c'est probablement. C'est pour ça qu'on ne va pas lui en vouloir. Ou alors elle est occupée avec quelqu'un d'autre. Ok, alors... Ok, il y a des petites private jokes qui se jouent actuellement sur le plateau de... Private joke, incroyable. Je voulais lancer un dernier sujet. En fait, c'est une réflexion. Alors, j'ai hésité presque à en faire une partie, à essayer de travailler là-dessus, mais finalement, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu le temps. En fait, ce qui s'est passé avec Anne-Sophie Lapix. Vous voyez Anne-Sophie Lapix, c'est celle qui présente... Alors, je crois La femme de Jamel Debbouze. Non, c'est Mélissa Thoriot, ça. Ah bon, bref. Mais si, Anne-Sophie Lapix, c'était la meuf qui était sur France 5, sur C'est à vous. Ah oui, voilà, oui, la blonde. Qui est maintenant présentatrice du 20h. Du 20h de, bon. de vous avez peut-être pas vu ça, mais à un moment, elle a dit... Vive les femmes. Pardon. Non. I'm not your toy. Non, mais en fait, elle a dit, c'est bientôt la Coupe du Monde, on va pouvoir regarder des footballeurs milliardaires courir derrière un ballon. Elle avait dit ça, bien sûr. Et en fait, ça m'a amené à une réflexion. Je me suis dit que, j'enlève mes lunettes pour être un peu plus sérieux, on fait souvent le reproche aux footeux d'être des beaufs. Mais il y a une nouvelle beaufrie qui est en train d'arriver, qui est la beaufrie anti-foot. Et qui est tout aussi grave, si ce n'est plus grave, puisque elle joue d'abord sur le second degré et sur l'ironie et la dérision. Et cette idée de dire que bon, c'est des milliardaires, machin, on ne voit que ça, que le truc des milliardaires, ou alors c'est encore un bon moyen d'éviter de parler des vrais sujets, la Coupe du Monde, ça divertit les gens. Je trouve que c'est une nouvelle beaufrie et que c'est la beaufrie bourgeoise telle qu'on l'avait. Donc là, ça y est, on est à ce stade où j'ai pas mal bu pendant cet enregistrement de Glovox et je commence à me lancer dans des explications que je crois intéressantes, alors qu'en vérité, elles ne le sont pas tant que ça. Une partie qui s'annonce particulièrement lamentable, et encore, ça ne finit pas tout à fait, puisque vous allez voir, ce Glovox va encore plus loin. Par contre, il y a un gros démenti qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas tous le même salaire, les mecs. Est-ce que vous avez vu le match avec c'était l'Iran contre le Portugal, c'est ça? Iran-Portugal où ils ont fait un partout. Bah, d'accord. C'est ça, ils ont fait un partout pour la Coupe du Monde. Et en fait, il y a un truc extraordinaire qui s'est passé, c'est que le gardien iranien a arrêté un penalty de Ronaldo. Oh là. Incroyable. Et donc du coup, j'ai vu un article sur ce gardien iranien. Qui disait que ce mec, en fait, il y a deux ans, il était encore en train de laver des bagnoles en Iran et que... Amateur. Voilà, il avait rien pour vivre, c'était l'horreur, il était à moitié SDF et tout, et en fait, du coup, il était un peu bon au foot, du coup, il l'a émis dans l'équipe nationale, parce que bon, ça compte il pas. Il était un peu bon au foot, le gars, bon, allez, viens là, toi. Et le mec a quand même arrêté un pénalty de Ronaldo. qui a 300 millions d'euros sur son compte, tout va bien. Donc je pense pas que ce gardien iranien doit avoir le même. Ah bah non, mais c'est pas comparable. Bah non, mais voilà, c'est pour ça. Donc on peut dire. De toute façon, c'est une réflexion conne, c'est assez stupide parce que, en plus, de sa position à elle, il faudrait qu'elle dévoile déjà son salaire, ensuite on parle. Puisque, pareil, dans le monde du journalisme, il y a énormément de journalistes qui gagnent énormément d'argent. Surtout les présentateurs télé, parce que c'est sur le. Ah, notamment notre contact en Russie qui est extrêmement riche, bien sûr, multimillionnaire. Bien sûr. Et elle travaille pour Trump, si vous le lisez. Donc bon. Infowars. Chacun son truc, quoi. Puis bon. Et c'est beau, quoi, merde. Parfois ils font des trucs, moi je me dis, j'aimerais bien toucher ça. Mais c'est des athlètes avant d'être des milliardaires. Exactement, quoi. C'est des athlètes. Et exactement. Oui, voilà. C'est ça le mot. Ouais. C'est ce qu'on oublie souvent, c'est pas des sportifs, c'est des athlètes. C'est des athlètes, les absolument. Les mecs sont hyper motivés, ils travaillent tous les jours et tout. Bon, c'est pas moi qui vais dire oui, parce que tu as travaillé tous les jours, tu mérites de gagner 5 millions. Non, mais c'est pas la question. C'est vrai que dans les faits, c'est un peu injuste. C'était gladiateur. Et puis il faut penser aussi que. Les footballeurs ne sont que des conséquences, hein, tu vas pas. Voilà. Et puis les sponsors qu'il y a dessus, etc., je pense qu'il y en a qui se font largement plus de pèse grâce à ces mecs-là. Attends, les Qataris qui ont mis de l'argent sur le PSG, etc., c'est pas pour faire beau. Hein. Ils ont de l'argent à dépenser. Mais bien sûr. Et une planète à détruire. Les pires gens, les Qataris. Mais dans 30 ans, on n'en parle plus des Qataris. Bientôt, il n'y en aura plus. On va en profiter. Des Qataris. Non. Non, c'est pardon. Quoi ? On va en profiter, bientôt, il n'y en aura plus. Et c'est les soldes de chez les Qataris. Comment ? Non, pardon, c'est d'autres choses. Excusez-moi, je suis rentré dans un délire tout seul. En train de s'arrêter. Je suis désolé. Bon, je pense qu'on va pouvoir conclure ce Glovok, peut-être. On va peut-être pas le faire traîner en longueur plus que ça. Donc voilà, moi je pensais à ce moment-là que Glovok était terminé, qu'on en avait assez fait et qu'on avait après tout plus grand chose à dire. Ce que j'aurais pu penser dès le début d'ailleurs. Mais il se trouve que le match Russie-Croatie ayant eu en direct et l'excitation étant tellement grande et l'alcool coulant encore à flot à ce stade-là de la soirée, nous avons décidé de commenter le match Russie-Croatie en direct. Nous n'allons pas vous infliger ce moment dans son intégralité, c'est pour ça que j'ai fait un petit montage pour que vous viviez les meilleurs moments avec nous, ces moments de liesse populaire et de joie partagée. Mais je ne sais pas, parce que moi j'ai quand même envie de voir la fin de ce match et de le vivre en direct avec vous, quoi. C'est du. Voilà. Mais en même temps, on n'a plus grand chose à dire. Pour les 7 prochaines minutes, on met juste le match et on commande en direct. Ok, le podcast expérimental, je le couperai probablement au montage. Attention, préparez-vous. J'attends des commentaires de qualité de votre part, évidemment. Incroyable. Oui, on a donc la Russie qui s'apprête à tirer, à taper dans le ballon pour éventuellement revenir au score. Alors que TF1 nous chie dans les bottes. Voilà, nous chie dans les bottes. Ce sponsorisé putain, par TF1, bien sûr. Ah, on va se taper les pubs. La télévision publique. Ah non, merde, au secours. Oh là. Attendez, je vais couper le son un petit instant pour pas qu'on ait les pubs parce que c'est l'enfer. Oh la but ! Mais non, c'était tout à l'heure ça. C'était tout à l'heure ? Mais oui. But ! Mais attends. Mais non, mais c'est une. Goal ! C'est une rediffusion ça. T'es sûr ? Attends, je suis pas sûr. C'est marqué en direct. Mais attends, ah, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que les Russes. Qu'est-ce qu'il je crois que les. Parce que pourquoi ils remontreraient comme ça ? Est-ce que les Russes. Non. Ce dit. Légaliser. Au secours, les Russes sont de retour ! Les Russes ont égalisé ! Incroyable ce qu'on c'est est en train de vivre. C'est incroyable ! Attends. Mais bien sûr, c'est incroyable. Ils sont de retour ! Personne ne baise la Russie en Russie ! Incroyable ! De la tête et Maradona du qui remonte. Défenseur passe à Trezeguet qui va chercher Desailly dans le coin droit. C'est le pire podcast. Cour Emmanuel Petit. Barthez. Yann Barthez. Et qui relance dans la surface de réparation. Incroyable. La folie dans les tribunes. Et vous vous rendez compte que les gens ne vont jamais voir. Oh, il y a une belle Russe qui pleure. Tellement elle est heureuse. Beaucoup incroyable. De plaisir. Beaucoup de plaisir. Donc Zidanovic qui vient de marquer, comme on l'a vu. Zidanovic. Mazeradinovic sur Amov. De Sainovic qui fait la passe à Lebeufovic. Ce sera pas le plus beau match techniquement. J'ai entendu. Ah mais moi mon prono pour l'instant n'est pas de retour. Mais j'avais entendu dire que le KGB avait par contre les pénalties en direct, ça m'a eu. Oh là là, on va voir les pénalties en direct. Mais cette émission est interminable, on n'a rien à dire. On est en train de regarder un match de foot, les gens ne voient même pas. C'est nul. C'est zéro contenu dans ce podcast. Zéro. Les gens mettez le match à côté de vous pendant que vous. Je suis désolé auprès des 10 000 auditeurs qui nous écoutent chaque semaine, mais là on n'est pas au top. Non, on est passé aux 10 000 la semaine dernière, ah ouais, c'est ça, on est passé aux 10 000. Ouais, c'est ça, ça y est, on a passé. Non, on était à 20 il y a deux semaines et là on est passé à 10 000 là, il y a 3 jours. D'ailleurs, tu me vireras ma part des sponsors là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il faudra qu'on glisse un petit mot pour le sponsor. Les Croates qui reviennent. Aïe, aïe, aïe, c'est un corner. Buvez pour du whisky Lagavulin. Manger. C'est vrai que nous buvons du très bon whisky, le Lagavulin. Petit whisky fumé d'Écosse, voilà. 16 ans d'âge. Voilà, qui nous a généreusement envoyé une bouteille ce soir pour ce Glovoque. Merci. Merci, on tient à les remercier. On tient à les remercier. Merci Lagavulin, merci l'Écosse. Et la touche récupérée par les Russes. Reprise par Jugovic qui revient. Passe à KGB. Yugi Gagarin qui reprend ce ballon. Laika. Incroyable ce qui se passe. Spoutnik va chercher le ballon loin dans la surface de réparation. Attention, c'est dangereux pour l'équipe de Croatie. Voilà. Ça arrive, ça arrive. Rochatoudé qui dribble. Attention, Rucher Today qui effectivement a fait une très belle saison cette année. Très belle saison pour Rucher Today. 24 buts. Attention, incroyable, incroyable. L'occasion manquée. L'arrêt de François Bayrou qui est là dans les cages ce soir. Qui était pile au milieu, François Bayrou. Pile au centre de la cage et qui revient. Incroyable. Incroyable. Et l'extension. Hein. C'est à ça qu'on connaît les grands joueurs. On nous indique que 350 000 supporters russes sont là ce soir dans le stade. Le KGB est tout aussi présent. Il a miné le terrain. Alors il reste. Une minute, on est d'accord qu'il reste une minute. Il reste réglementaire. Il reste. Oui, bien sûr. Il reste une minute. Avant l'épaule. Incroyable ce qui se passe. Aïe, c'est la pigeonnade. Les Russes qui russent. Mettez votre casque pour une expérience encore plus intensive. Au secours. TF1 qui nous chie dans le cul et c'est reparti. Attention. Attention, Staline est bien là. Denis Brognard. Ah, qui est là, qui est sur le, qui rentre sur le terrain, Denis Brognard, incroyable. Et c'est un match qui s'annonce compliqué, c'est vrai, c'est dur pour les Croates. Alors, ils sont là comme chaque année. Et les Russes qui avancent, incroyable, les Panzers. Oh là là là, l'avance des Russes. Ah là là, la technique de la terre brûlée va encore faire ça. Ah là là là, oh, ils brûlent le terrain, ils brûlent le terrain devant eux. Et les Croates qui remontent. Une minute de temps additionnel. Alors on m'annonce à l'oreillette que les tirs au but sont annulés, que ça va être l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta qui va remplacer. Attention les Croates. Quel arrêt incroyable du gardien. Là vous en faites un peu parce que juste la balle est arrivée à 2 km/h dans les bras du goal. Une dernière action qui va peut-être. Ah le sein du russe. Incroyable. Ceci va trop loin. Mais c'est aussi ça le foot quand même. C'est ça qui est beau avec cette émission de Glovoque, c'est que quand même on ressent les émotions du foot. Vous écoutez actuellement 3 personnes qui n'en ont globalement pas grand chose à foutre dans la vie, mais qui là d'un coup se retrouvent pour boire du whisky et regarder du football. Du whisky Lagavulin. Lagavulin. Incroyable, France. Bravo l'Écosse. Russie-Croatie, on le rappelle ce soir, notre grand jeu, attention sous vos écrans. Qui a remporté la Coupe du Monde 98, la France ou l'Uruguay? 20 000 euros à gagner ce soir, 20 000 euros au 6-32-32. Le dernier dégagement du défenseur. Le dernier démoquant, c'est parti, attention! Et c'est un tir incroyable! Et c'est terminé, on part sur un tir au but. Les Croates qui n'en peuvent plus, qui sont déçus, la désillusion croate ce soir. C'est interminable. Ah là là, la Coupe du Monde qui s'éloigne pour les maillots à damier rouge. Mais ouais, mais putain, j'avoue quand même. Les Croates, ils étaient chauds, ils étaient sûrs d'aller de gagner, et là, bim! Bien sûr, bien les Russes, sûr. Ils ne sont pas là pour rigoler. Bon. J'ai une source qui m'informe quand même que ce match a été joué dans des circonstances particulières, puisque le FSB a eu accès aux données de l'équipe croate et les a empoisonnées. Ah ouais, d'accord, tu accuses. L'info vient de tomber, effectivement, le KGB. Non, c'est comment, c'est le FSB maintenant? Le FSB, ouais. Fake news. Tu remettes le match là, bien sûr. Ouais, non, mais il est là, ce contenu est indisponible. Au secours! Les tirs au but. Allez. Internet en PLS. Internet! Internet! Internet! Alors, que l'optimisation du Mac qui est en cours. Quelle émission. Pouf. Ça, je vais... En fait, je pense que je vais laisser tout ça au montage. Oh là là. Oh. Oh là là. Je suis désolé pour cette interruption. Petit problème technique. Aussi de incroyable. Okay. On se retrouve sur Glovok. les tirs au but n'ont toujours pas commencé. Glovok TV. En tout cas, la Croatie qui est quand même un très beau pays. Si vous ne connaissez pas, visitez la Croatie. Arrive, mais j'ai vu des très belles photos de Croatie. Ouais. Ils ont beaucoup de musulmans. Sur Instagram, beaucoup de belles photos de Croatie. Attention, le contenu de Glovok qui continue de baisser. J'ai vu des photos de la Croatie. Je vais chercher une bière. Petite bière. Et ils sont là ce soir, les Croates. Lovren, Mandzuki. Il y a que la Coupe du Monde et certains. C'est incroyable. Bonjour à vous si vous nous rejoignez ce soir sur TF1. On est là, Sochi. Incroyable. Face incroyable. Être obligé d'en passer par les prolongations. Ensuite, ah là là là là là là, tellement d'émotions, tellement de suspense. Il sera quand même bien entamé physiquement. Est-ce que la Russie va continuer son aventure incroyable? Incroyable, incroyable. Incroyable, Thierry, incroyable. Incroyable du cul, incroyable. Incroyable du cul ce soir. L'ambiance est électrique. Le premier tir au but, ça y est, on y est. Est-ce qu'on peut lancer les pronostics? Moi, je dis qu'il y a arrêt du gardien croate. Attention, arrêt, pas arrêt. Moi, je dis arrêt. Moi, je dis but. Bien sûr, tu changes comme ça. Moi, je dis but, premier but. 10 130 buts. Être Quentin dit arrêt, de l'axe dit arrêt. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, et c'est parti pour la première séance de tir. Attention, et tiré but. Et c'est le but. C'est l'arrêt. Ah, c'est l'arrêt. Non. Attends, qu'est-ce qui se passe? Arrêté. Non, il a été arrêté. Le gardien croate qui demande une vidéo. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Non, ça a été arrêté. Attention. Et Ben Baker, Brozovic qui est là, numéro 11. Qui va tirer maintenant. Brozovic qui... Attention, et c'est le but. Incroyable pour la Croatie, champion du monde. C'est pas nous, arrêtez. C'est pas la France. Et maintenant, attention, le regard de l'aigle, le regard de l'ours des monstres. Ceci est un but. Attention, c'est parti. C'est le but. Et ils sont là. Et ils sont là, les Russes, ce soir. Ils nous l'avaient promis. Ils sont là. Ils sont au rendez-vous ce soir, les Russes et les Russes féminines. Incroyable. Incroyable, les supportrices russes. Alors que l'équipe féminine de foot rentre sur le terrain. Le joueur du CSKA Moscou. Qui fait bien, Quentin, tu le tiens bien, le commentateur. J'ai été commentateur un temps donné. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'ai commenté le match Combronde Orsine. Le match du handball. C'est un match de Benjamin. Attention. C'est le tir. Ah, c'est oui, incroyable. C'est l'arrêt. Notre tonnerre. Mais attendez, on en est où là? Il y a un partout. Un partout. Ouais, c'est ça. Hein. Un partout. Le gardien russe qui vient de remettre le score à zéro. Le capitaine Tsubasa croate va tirer son penalty derrière ma maison. Confirmé que le numéro 10, le Mbappé. Incroyable. Oh, c'est le but. Incroyable. But de Nabil Fekir. Nabil Fekir qui est là ce soir. Qui l'Olympique Lyonnais, champion du monde. Benjamin Pavard, Olivier Giroud, Raphaël Nadal. Personne ne paye. Les moyens sont faibles. Personne ne nous aurait sponsorisé pour ça. Sauf le whisky de la Gavoule. Bien sûr, merci. La Gavoule. Bravo l'Écosse. Les Russes qui prient. S'il marque ce but, c'est terminé pour la Russie. S'il le met, ce n'est pas terminé pour la Russie. Voilà un bon résumé de la situation. Oh là là là là. Non, score. Oh là là là. Et ça freeze. Et sur une jolie blonde. Incroyable. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ne touche pas. Oh là là. Clic. Et c'est terminé. La Russie qui vient de sortir de sa propre Coupe du Monde au cours d'un match historique. C'était bien. Et ça pleure du côté russe. Et ça pleure, on les voit, les larmes, elles c'est sont là. C'est gagné pour la Croatie. Un peuple qui se lève. Un peuple alors que incroyable. La Russie s'effondre sur elle-même. Elle a bien essayé. Alors que Denis Brognard apparaît à l'écran. Denis Brognard. Denis. Et c'est dur. Incroyable, Denis, incroyable. Bon. La Russie vient de sortir. C'est dur, c'est vrai. Ils ont eu un beau match, mais c'est pas évident. Maintenant, l'épreuve des poteaux. Bon, messieurs. Oui, s'agirait d'arrêter. Je vais reprendre un petit peu le contrôle de ce podcast. Bien sûr, bien sûr. Attends, je vais mettre un peu de musique. Que se passe-t-il ? Mais ça me fait chier, pourquoi ça marche pas quoi ? Au pire, c'est pas grave. On peut trouver notre solution. Il faut bien de la musique quand même. Passer chez la fibre et c'est faire. On peut la faire, nous, la musique ? Non. Oh assez beau manga, assez bonna, au monde latine, assez tonna, assez tonna. Ouais, attendez, messieurs. On se calme. Je vais vous demander un petit peu de concentration. On va finir cet épisode de Glovok. On va mettre ça, c'est bien ça. Ah. Attendez, hop. Ça ne marche pas. Si, ça marche très bien. Et le professeur Delaxe qui va nous mettre une dernière musique qui symbolise bien l'esprit du football. Ya se ha muerto mi abuelo. La joie, le bonheur. Arriba Perú. Alors à propos, c'est l'histoire d'un meurtre de grand-père. Chut. C'est le Brésilien qui est mort. Bon, c'est la fin de cet épisode de Glovok. Un épisode compliqué quand même. Hein. Bien sûr. Un épisode enrichissant mais compliqué, un peu particulier quand même parmi tous les Glovok qu'on a fait. J'ai beaucoup apprécié passer ce moment avec vous, messieurs. La Croatie, du coup, est championne du monde, c'est officiel depuis tout à l'heure, hein, donc mon pronostic a raté. Il me semble qu'on avait un grand jeu, 10130, non ? Oui, nous avons un grand jeu pour vous ce soir. Vous qui avez suivi le match, vous pouvez nous envoyer au 10130. Pas mal ! La question incroyable. Sur la victoire, qui a gagné le match ce soir ? Qui a gagné surtout les pronostics ce soir ? Oui. Envoyez un pour Delaxe, deux pour n'importe qui d'autre. Merci. Delaxe, deux pour n'importe qui d'autre. Petit indice, n'importe qui d'autre. Mais qu'est-ce qu'il y a à gagner ce soir ? Il y a donc à gagner notre set complet de whisky Lagavulin. Une moitié de set pour être précis. Sur une moitié, moitié, reste une pour moitié. La soirée, une demi-finale de la Lagavulin ce soir. Bon, merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce podcast. Bravo l'Écosse. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast exceptionnel. On revient très vite. Cette fois, on va éviter de passer encore 6 mois à ne rien faire. On va refaire un podcast très prochainement, peut-être pendant l'été. Là, ça, c'est imminent. Restez branchés, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, y compris sur Instagram, Kunta Libre, où nous avons notre compte, où vous pourrez découvrir la vie intime de notre mascotte. Passez une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année si on ne se revoit pas d'ici là. Des bisous et à bientôt pour un nouvel épisode de Glovok. On est champions ! Non, on n'est pas champions du monde.